بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب والعمل الصالح فلا يخفى عليكم يا إخوة الإيمان أن معرفة ما للإنسان وما عليه من حقوق وواجبات لله ولعباده والعمل بها من أهم المهمات وأوجب الواجبات ولبيان أهمية الحقوق في الإسلام جاءت آية من كتاب الله عز وجل في سورة النساء تسمى آية الحقوق يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Donc, chers frères, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et de nous permettre de pratiquer l'islam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et chacun d'entre nous, à la lecture des livres, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va constater qu'il y a des devoirs en islam et des obligations. Et que le respect de ces devoirs et le respect de ces obligations sont parmi les choses les plus importantes dans notre religion. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un verset dans le Coran al-Karim que les ulama appellent « ayatul huquq », le verset des droits, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa adorez Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui associez rien. Et soyez bons envers vos pères et envers vos mères. Et agissez avec bonté envers vos proches, envers les orphelins, envers les pauvres, envers le voisin proche et le voisin lointain, envers le collègue, envers le voyageur et envers les esclaves qui sont sous votre possession. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui sont prétentieux et ceux qui sont arrogants. Dans ces versets, Allah azza wa jalla cite une série de huquq, de droits que le musulman et la musulmane doivent respecter et observer. وتظهر أهمية هذه الحقوق في حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا أي في النساء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فلما كان الليل أو كان آخر الليل قال سلمان قم قام سلمان للقيام فقال له قام أبو الدرداء للقيام فقال له سلمان نم ولما كان آخر الليل قام سلمان فقال لأبي الدرداء قم الآن فصليا جميعا ثم قال له سلمان رضي الله عنه يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى أبا الدرداء أو أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له رسول الله صدق سلمان. Et parmi les hadiths authentiques qui prouvent l'importance de respecter les droits, il y a le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih, où il nous raconte, un compagnon nous raconte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé entre Abu Darda et Salman. Et Salman était parmi les Abu Darda était parmi les habitants de Médine. Et une fois, Salman est venu visiter Abu Darda. Il était absent, il a trouvé sa femme dans un état et dans une tenue des plus modestes. Il lui a dit, « Ma sha'nouki, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui a raconté que son frère Abu Darda, il n'avait plus aucune envie dans cette vie et plus aucune envie dans les femmes. Dans certaines riwayas, il jeûnait le jour et il priait la nuit. Alors Abu Darda, c'est à ce moment-là qu'Abu Darda est arrivé. Il a donné de la nourriture à Salman. Salman a refusé. Elle a dit « Je ne mangerai pas tant que toi tu ne manges pas. » Parce qu'Abu Darda jeûnait. Ensuite, dans la nuit, Abu Darda s'est levé pour prier, comme c'était son habitude. Et Salman lui a dit « Dors !» Et lorsqu'est arrivée la fin de la nuit, il l'a réveillé. Il lui a dit « Maintenant, lève-toi et faisons la prière ensemble. » Et ensuite, il lui a dit « Inna li rabbika alayka haqqa. » Tu as des devoirs, ou ton Seigneur, tu as des devoirs envers ton Seigneur. Tu as aussi des devoirs, ton épouse a des devoirs, et ta religion a des devoirs. Et il lui a dit la parole « Inna li kulli dhi haqqin haqqa ». Chacun en islam a ses droits. Donc Salman, Abu Darda Afwan, est parti voir le matin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a raconté l'histoire. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Sadaqa Salman ». Salman a dit vrai. فالإسلام اهتم بالحقوق وبالأخلاق والآداب فنتكلم فيها أو نتكلم عن الحقوق في وقت ضاعت الحقوق ونتكلم عن الأخلاق في الإسلام في وقت ذهبت فيه الأخلاق ونتكلم فيها عن الآداب في وقت قلت فيه الآداب وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. C'est pourquoi il est important de se rappeler mutuellement et constamment ses devoirs, ses obligations, le comportement, les mœurs que doit avoir le musulman et qui nous ont été enseignés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout à cette époque où les mœurs disparaissent, où le comportement se fait rare, et où le respect des droits disparaît aussi, ou même a disparu. لهذا يكون أو يكون موضوع حديثنا اليوم عن حقوق من حقوق الإسلام. وهذا الحق هو حق البيت أو حق البيوت في الإسلام. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'un droit en islam qui est très important. Et on est tous concerné par ce droit, ou ce devoir envers ce droit, c'est haqqul buyut. Même en islam, même les maisons, la maison en islam a des devoirs, qui ont été expliqués dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fal buyut, makanul qarari, wal istiqrar, wal sakan, wal tuma'nina, wa hifzil anfusi. La maison ou le domicile, le foyer, c'est un lieu de stabilité pour l'être humain. C'est un lieu d'équilibre, un lieu de tranquillité, d'apaisement et de sécurité. Sécurité pour ses biens, sécurité pour sa personne et sécurité pour son honneur. ولذلك امتن الله عز وجل على المسلمين بنعمة البيوت. C'est pourquoi dans le Coran al-Karim, lorsqu'Allah Azza wa Jal cite al-Buyut, la maison, les maisons, il le parle de la maison comme une ni'ma, comme un bienfait. Bienfait envers lequel on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين إلى آخر الآية إلى قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, Allah a fait de vos maisons un lieu d'habitation et un lieu de tranquillité. Sakanan, c'est à la fois un lieu d'habitation, mais tu vas retrouver aussi dans le tafsir, c'est un lieu de sukoun wa tuma'nina, c'est un lieu de tranquillité. La maison du musulman est un lieu de tranquillité. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi, tout comme il vous a procuré des maisons faites de peau, que vous trouvez, yani légère, tastakhifunaha, yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum, lorsque vous vous déplacez et lorsque vous, yani vous êtes sur place. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ils connaissent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite ils les renient. Wa aktharuhum al-kafirun. Et beaucoup d'entre eux sont ingrats envers leur Seigneur, au point même que cette ingratitude devient du kufr qui le fait sortir de l'islam. Falbuyutu hiya al-ma'wa wal-malja'u shar'i lil-muslim. La maison, en réalité, et ça c'est malheureux, aujourd'hui il y a des gens, ils n'arrivent pas à rester chez eux. Il faut qu'ils traînent dans les rues. Traînent dans les cafés, qui traînent. Al-Muhim, il n'arrive pas à rester chez lui. Alors que, Shar'an, dans notre religion, la maison, Al-Buyut, c'est un refuge et un abri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Hassan, il est rapporté dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, Touba liman malaka lisanahu wa wasa'ahu baytuhu wa baka ala khati'atihi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجميع في يعني في الحديث مذكور في الجميع الصحيح في صحيح الجامع سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحدة منها منهن كان ضامنا على الله ومنها قعوده في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. Voilà des hadiths authentiques, authentifiés par les savants du hadith, comme Cheikh Nasruddin Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bienheureux, et Touba c'est aussi un arbre au paradis, pour celui qui retient sa langue, qui sa maison lui suffit, et qu'il pleure pour ses péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le salut de l'homme dans le moment de fitna, dans le moment des perturbations, dans le moment des troubles, c'est de rester dans ta maison. Bien sûr, ici, entre parenthèses, le musulman, il vit soit entre azlatun nas ou ikhtilatun nas. Le musulman, il vit soit il s'isole des gens, ou soit yukhalitun nas. Parce que vous allez trouver des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il va arriver un temps où la personne qui aura peur pour sa religion, c'est mieux pour elle de vivre dans la montagne. Et vous allez trouver des hadiths où le prophète sallam dit « Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khayru min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum » Le croyant qui se mélange avec les gens et qui patiente sur le tort des gens est meilleur que le croyant qui ne patiente pas et qui ne se mélange pas avec les gens. Et l'imam Nawawi rahimahullah explique, il dit « في وقت يعني في فساد الزمان وفساد الناس ووقوع الناس في الحرام والشبهات يعني تلزم بيتك » Lorsque le فساد se répand, la corruption est présente chez les gens, que tu as peur de tomber dans le haram ou que tu as peur de tomber dans les ambiguïtés, reste chez toi. Sinon, lorsque tu peux pratiquer ta religion, tu peux aller faire le Jumu'ah, tu peux aller faire les prières jama'at dans la mosquée, tu peux faire l'amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. À ce moment-là, reste avec les gens, patiente avec eux, même s'il y a beaucoup de mal. Parce que c'est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a cinq choses. Celui qui en fait une, il a une garantie d'Allah d'avoir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces cinq choses, c'est le fait de rester dans ta maison et d'éviter le mal des gens et que les gens ne tombent pas dans le mal que tu puisses faire. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من نجات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. Un homme est venu voir le prophète sallam. Il lui a dit, يا رسول الله, où se trouve le salut? Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit, retiens ta langue et que ta maison te suffise et pleure sur tes péchés. والبيوت هي مكان قرار المرأة وحفظها. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن. Et la maison, le foyer, c'est le lieu de protection, c'est le lieu de séjour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la femme. Allah dit وقرن في بيوتكن. Il s'adresse aux femmes en leur disant et restez dans vos maisons. Et restez dans vos maisons. والبيت هو لبنة الأساس للمجتمع المسلم فهو بمنزلة القلب من الجسد فإذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله وكذلك البيوت إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع. La maison, nos maisons, sont la base de cette société, sur la base sur laquelle repose la réforme de la société. Elle est au même rang que le cœur. Le cœur, quand il est bon, comme le prophète sallam dit, tout le corps est bon. Mais quand il est mauvais, tout le corps est mauvais. De la même manière, lorsque la maison, le foyer, on y enseigne les enseignements du Coran et de la Sunna, selon la voie des Sahaba radiallahu anhum, ça va se ressentir dans la société. Sinon, les dégâts se ressentiront aussi dans la société. والذي دفعنا ويعني أصل هذه الكلمات يعني خطبة ألقاها شيخ أبو إسلام يعني أسد المنبر تلميذ شيخ يعني أسد السنة شيخ الألباني يقول يعني الذي دفعه للحديث عن حق البيوت أمور ذكر منها أربعة. Ce qui nous pousse aujourd'hui à parler de ces droits, du droit de la maison en particulier, c'est quatre points. Le premier point, أن كثيرا من الناس لا يشعرون بالسعادة والطمأنينة والقرار والاستقرار في بيوتهم ولا يعرفون ما هو السبب. Beaucoup de gens ne ressentent pas, ne retrouvent pas le bonheur, la tranquillité, la stabilité, l'équilibre dans sa maison. Alors que la maison est un lieu d'équilibre et de tranquillité. Et en plus de ça, ils ne connaissent pas la raison. Et on va l'expliquer, Inch'Allah. Deuxièmement, al-amru thani, أن كثيرا من الناس اعتدى عليهم الشيطان على أولادهم بالمس والصرع ولا يعرفون أيضا ما هو السبب. Beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui que Shaitan les a colonisés, a colonisé leur maison et a commis du mal envers eux-mêmes et envers leurs enfants. Et beaucoup de gens se plaignent de ça aujourd'hui. Voilà, يَعْرِفُونَ مَا هُوَ السَّبَبُ. Et ils ne connaissent pas la raison. وَالْأَمْرُ الثَّالِثِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْبُيُوتِ لَا تَدْخُلُهَا الْمَلَائِكَةِ وَلَا يَعْرِفُونَ أَيْضًا مَا هُوَ السَّبَبُ. Beaucoup de maisons aujourd'hui, les anges n'y entrent pas. Et ils ne connaissent même pas les raisons. والأمر الرابع أن كثيرا من الناس لا يتأدبون بأداب البيوت كأداب الاستئذان وغيرها. La maison, en plus d'avoir des droits, il y a un comportement à avoir qui a été expliqué par le prophète sallam, en particulier à l'istidhan, la demande d'autorisation. فأردنا انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أن نتكلم عن حق البيوت ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème du cours portera sur le droit des maisons en islam. Ou autrement dit, quel est notre devoir envers nos propres maisons. Parce que le prophète, il est venu là tout expliquer, comme l'a rapporté le sahaba. مَا مِنْ طَيْرٍ يَطِيرُ فِي السَّمَا إلا أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas un oiseau qui vole sans que le prophète nous a donné des informations concernant cet oiseau. L'islam est venu tout détailler, tout expliquer. Il n'a pas besoin qu'on rajoute dans notre religion, ou il n'y a pas besoin qu'on retranche dans notre religion. L'islam a seulement besoin qu'on le met en pratique. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. Allah dit, suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Suivez et ne suivez rien d'autre. فالحقوق التي نذكرها أربعة. Les droits de la maison, du foyer qu'on va citer, ici sont au nombre de quatre. Il existe beaucoup d'autres حقوق. الحق الأول أن نؤسس البيت على تقوى من الله سبحانه وتعالى فالعاقل الذي يريد أن يسعد في بيته مع زوجته وأولاده هو الذي يبني بيته من مال حلال بعيدا عن الإسراف والتبذير والمباهاة لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وقال تعالى وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Le premier droit de nos maisons, de nos foyers, c'est que on construit et on édifie cette maison sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le musulman qui recherche le bonheur dans sa maison, avec son épouse, avec ses enfants, la première chose pour atteindre ce but, pour trouver le bonheur, c'est de construire sa maison avec de l'argent halal. Et pas seulement, en étant loin de tout gaspillage, de tout excès ou de tout abus, ou de tout vantardise. Je construis des étages, un étage, deux étages, trois étages, pour montrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat Al-A'raf, mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gens qui commettent des excès. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, ne gaspillez pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères de Shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et le shaitan est envers son Seigneur ingrat. Et dans le même sens, il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam dit Amma in kull inna kulla bina'in wa balun ala sahibihi إلا ما لا أي ما لا بد منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو في البناء. وهذا يا عبد الله محمول على الإسراف والتبذير فيما لا حاجة له، ولكن من وسع بيته بدون إسراف ولا تبذير فلا إثم عليه. De même, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Toute construction sera un tort et un préjudice pour son propriétaire, sauf ce qu'il est obligatoire de faire ton foyer. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La personne sera récompensée dans toutes ses dépenses, sauf pour les dépenses faites sur la terre et sur la construction. » Et ceci, comment on doit comprendre ceci, c'est-à-dire que ce qui est interdit, c'est le gaspillage et l'excès au-dessus de tes besoins. Mais si tu construis une grande maison et que tu en as besoin, parce que tu as une grande famille, dans ça il n'y a pas de mal et il n'y a pas de péché. وكذلك على المسلم أن يؤسس بيته بالزوجة الصالحة استجابة لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها ولحسبها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يدك التصقت بالتراب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. De même que pour construire ta maison sur la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour atteindre le bonheur et la réussite, tu dois construire une maison sur de l'argent halal, loin de tout excès. De même, ta maison doit être basée, tu dois prendre une femme pieuse. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire ceci dans le Coran. Allah dit « Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vous. » Les gens de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith « Cette vie est un intérêt. Et le meilleur de ces intérêts, c'est une femme pieuse. » Al-mar'atu salihah. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les gens se marient pour différentes raisons. Certains se marient pour la beauté de la femme. D'autres se marient pour son rang social. D'autres se marient pour ses biens. Et d'autres se marient pour sa religion. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fadfar bidati din tarubat yadak. » Ajib, tu peux pas, on va le traduire en français, mais ce n'est pas son sens. Il dit « Choisis celle qui a pieuse et celle qui a de la religion, ou sinon la tarubat yadak, ou sinon tes mains vont périr. » Mais en fait, al-dhafar, في اللغة العربية, هو النصر. يعني كلمة تستعمل عند الحروب. فما يعني العلاقة بين الحرب والزواج؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الإنسان في هذه الحياة في معركة، وإذا تزوج مع المرأة الصالحة يعني انتصر بهذه المرأة الصالحة. خويس سيدنا الحديث quand il dit choisi, c'est pas choisi. Ça veut dire, tu auras le secours. Zafar, c'est le secours avec la femme qui est pieuse. Et le secours, quand tu vas lire dans les textes en arabe, c'est une expression qu'on utilise quand guerre. C'est quand on est dans la guerre qu'on parle de zafar. Où est la relation entre la guerre et le mariage? Les savants ont expliqué que ça veut dire que celui qui vit dans cette vie, il est comme en guerre. La guerre contre les choubouhets, la guerre contre les shahouais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu seras gagnant dans cette vie, dans cette guerre, dans ce combat, qu'en te mariant avec une femme pieuse. C'est elle qui va t'aider à gagner et à réussir. فَجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْبَيْتَ مَسْكَنًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل الزوجة سكنا يسكن إليه الزوج يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, d'une part, il a fait que la maison, c'est un lieu de refuge, un lieu de tranquillité. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que la femme, c'est aussi un lieu de tranquillité. Allah azza wa jalla dit à propos de la maison, et Allah vous a procuré de vos maisons une habitation et une tranquillité. Et pour la femme, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a créé pour vous et de vous des épouses afin que vous vivez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de la mawadda et de la rahma, de l'affection et de la miséricorde. Faya akha al-islam, amara Allah al-mar'ata bil qarari fil bayt, fa qala ta'ala wa qarna fi buyutikum. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit précédemment, il a ordonné à la femme de rester dans sa maison. Écoutez, regardez bien ces trois versets, comment ils vont être reliés ensemble. Fanzuru idha majtama'a sakanu al-bayt alladhi buniya min al-halal wa sakanu az-zawjati as-salihah allati istaqarrat fi baytiha sha'ara al-muslimu bis-sa'adati wat-tuma'ninati was-sakani wal-istiqrari fi baytihi. ولذلك قال بعض الصالحين لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجادلونا بالسيوف. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, autour du bonheur, il y a le fait d'avoir une maison basée sur du halal, loin de tout abus. Aussi, de se marier avec une femme et qui va rester chez elle. Et quand toutes ces conditions se réunissent, à ce moment-là, la maison deviendra Baytu Sa'ad. Ça deviendra pour toi une maison dans laquelle tu vas retrouver ton bonheur et ta tranquillité. C'est pour ça aujourd'hui les gens, tu le vois, à 1h du matin, ils se baladent dans la nuit. Il a une femme, 3 enfants, il n'a rien d'autre à faire, il se balade. Il se balade. Il fait froid, il fait moins 10 degrés et il se balade. Parce qu'il n'est pas tranquille dans sa maison. Ou bien la femme, elle ne reste jamais chez elle. Elle n'arrive pas à rester assise avec son mari. Ou les enfants, ils ne restent pas dans leur maison. Ils ressentent ad-dayq, yani de la gêne, leur cœur est serré en restant dans la maison. Pourquoi ? Parce que ma haqqaqna hada al-haqq. Nous n'avons pas concrétisé ce droit qui est de construire nos maisons sur la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec, en construisant nos maisons sur de l'argent halal et en se mariant avec une femme pieuse qui reste et qui s'enracine dans sa maison. أما من بنى بيته بالربا وزخرف وأسرف وتزوج من امرأة لا تعرف ربها لا دين لها ولا ملة فكيف يشعر هذا بالسعادة في بيته. Quant à celui qui construit sa maison, et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de musulmans ou de certains musulmans, il construit sa maison, la première chose qu'il fait quand il a une maison, un crédit avec des intérêts. Et lorsqu'il se marie, au lieu de rechercher et suivre les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se marie avec la première venue. Ou la femme, elle se marie avec le premier venu, c'est valable pour la femme aussi. Comment ? Et cette personne n'a ni l'ordre d'Allah, ni la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Comment voulez-vous que l'homme ou que la femme ressente un bonheur et une tranquillité dans sa maison? De cette maison, l'homme sort, la femme sort, les enfants sortent, les anges sortent, il reste qui reste que Shayati. Et on va le voir après avec les délits du Coran et de la Sunna. Hada haqqul awwal. Al haqqul thani lil buyut. Al haqq min huquqil buyuti alayna. أن نجعلها مكانا لذكر الله دائما. D'accord. Donc, parce que beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui que Shaitan, hein, il a pris le dessus dans leur maison et il commet du tort envers leurs épouses, leurs enfants. Combien de gens aujourd'hui recherchent Ruqiyya? Pourquoi? Parce que parmi les huquq, parmi les droits de la maison, c'est que dans la maison, il y a toujours le dhikr Allah Azza wa Jalla. Quand tu rentres dans la maison d'un musulman qui s'attache au livre d'Allah, qui s'attache à la sunna du prophète sallam, tu vas retrouver dhikr Allah. Dhikr Allah. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في كتابه والذي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى في القرآن dit, et ça c'est ceux qui répondent à l'appel d'Allah, il dit oh, et ceux qui invoquent Allah et celles qui invoquent Allah beaucoup, Allah leur a préparé un pardon et une récompense énorme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous les croyants, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala énormément. Et ceci concerne entre autres l'invocation dans la maison. Malheureusement, tu rentres dans la maison de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la télévision qui est allumée, ou la musique, et la akhiri. Des fois pendant 2, 3, 4 heures dans la journée. Et après les gens se plaignent. On se plaint. Mais on a le remède, on a la solution et le remède entre nos mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. L'exemple de la maison où on invoque Allah Azza wa Jal, et la maison où on n'invoque pas Allah, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. فَالْمُسْلِمُ الَّذِي يَتَمَسَّكُ بِسُنَّةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَاصَةً فِي بَابِ الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ يَذْكُرُ اللَّهُ فِي بَيْتِهِ دَائِمًا. Et le musulman qui s'attache à la dua en général, et aux invocations en général, et en particulier tout ce qui est dua, sortir de la maison, rentrer dans la maison, et dans sa maison il y a toujours le dhikr. إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالْ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ هَذَا الدُّعَى قَالَ قِيلَ لَهُ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ وقال الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل هدي ووقي ويعني هدي وكفي. Lorsque la personne sort de chez elle et dit بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, Shaitan dit, il y a quelqu'un qui dit, يعني cet homme on lui suffit, cet homme il est protégé et cet homme est guidé. Et le shaitan dit à ses semblables, que ce que vous voulez faire d'un homme qui est protégé, qui est guidé et qui, on lui suffit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, lorsque tu rentres chez toi, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ. C'est comme ça, يعني, بِهَذَا يَتِمُّ يعني الذِّكْرُ دَائِمًا فِي الْبُيُوتِ. C'est de cette manière, en mettant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que notre maison va être constamment dans le dhikr et le shaitan va se sauver. Ça me dit, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانَ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَى وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ أَوْ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قال أدركتم المبيت والعشاء. Regardez la dua en entrant et en mangeant. Le prophète sallam dit, lorsque l'homme entre chez lui et il invoque Allah au moment d'entrer et au moment de manger, Shaitan dit, il n'y a dans cette maison ni gîte pour vous, ni asile, ni nourriture, ni repas. Mais si l'homme entre et n'invoque pas Allah en mangeant, Shaitan dit, il y a un repas pour vous dans cette maison. Et si l'homme entre chez lui et n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan dit à ses semblables, dans cette maison, il y a un refuge où vous pouvez dormir. Et faites le constat aujourd'hui de ce qui arrive dans la maison de beaucoup de musulmans. Les kuffars, c'est même pas la peine d'en parler. Allah yahdina wa yahdihum. المسلم يذكر ربه عند النوم. عن البراء بن عازب قال قال لي رسول الله إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن آخر ما تقول فإن مت مت على الفطرة سبحان الله. Regardez même l'invocation dans la maison. Le prophète sallam dit lorsque l'homme va dormir, il dit fais le wudu. Il dit à Al-Bara ibn Azib, lorsque tu vas pour dormir, fais le wudu. Wallah, et combien d'entre nous ici maintenant là, quand ils vont dormir, ils font le wudu. Et il dit repose-toi, mets-toi sur le côté droit. Et dis cette dua. La dua elle est longue. Oh Allah, j'abandonne mon âme à toi. Je me tourne mon visage vers toi. Je mets ma confiance en toi. J'adresse à toi dans l'espoir de ton paradis et dans la crainte de ta colère. Il n'y a de refuge auprès de toi, il n'y a de refuge contre toi que auprès de toi. J'ai cru au livre que tu as envoyé et au prophète que tu as envoyé. Et le prophète me dit, fais que ces paroles soient les dernières paroles que tu dis en dormant. Et il dit, si tu meurs cette nuit, tu meurs sur la fitra. De la même manière, il y a les deux A's, je vais passer assez rapidement, que le musulman dit lorsqu'il se réveille le matin. Lorsque l'homme est dans sa maison, il a des rapports avec son épouse et il dit Allahumma jannibna shaytan wa jannibish shaytan ma razaqtana fa'in qada Allahu baynahuma waladan lam yadurruhu shaytan abadan. Les gens ils se plaignent, il est là le remède. Ça me dit celui qui, lorsqu'il a un rapport avec son épouse, dit la dua, « Oh Allah, éloigne Shaitan de nous et éloigne Shaitan de ce que tu vas nous donner. » Pourquoi ça me dit, « Si Allah écrit dans cette nuit qu'ils auront un enfant, jamais le Shaitan ne tournera autour de cet enfant. » Et lorsque tu rentres aux toilettes, « Bismillah » dans un hadith et dans un autre, « Allahumma inni a'udu bika » min al-khubthi wal-khaba'ith. Et lorsque tu sors, ghufranak. Parce que si tu ma baynaka wa bayna al-jin, yani an taqula bismillah inda dukhul al-khala. Pour mettre une barrière entre toi et les shayatins, quand tu vas aux toilettes, dis bismillah. Et rajoute dans une dua, oh Allah, je cherche protection près de toi contre les djinns mâles et les djinns femelles. Et lorsque tu sors, tu dis ghufranak. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, tout ça, c'est al-haqq al-thani min huquq al-buyut. C'est le deuxième haqq des buyut. Et chacun d'entre nous, il regarde où il en est. Il y a beaucoup de dua à dire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi, il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Wa hada huwa al-haqq al-thalith. Ayy min haqq al-buyut. Alayna an nutahhiraha min al-mukhalafat al-shar'iyya. An nutahhiraha min al-mukhalafat al-shar'iyya. ومع الأسف الشديد المخالفات الشرعية اليوم كثيرة وكثيرة جدا. Le troisième devoir envers nos maisons, c'est de purifier nos maisons et s'abstenir de faire des transgressions, de transgresser la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos maisons. ومن المخالفات الشرعية في بيوتنا وفي بيوت كثير من المسلمين والتي حرمتهم السعادة والطمأنينة والسكن والقرار والاستقرار وسلطت الشياطين عليهم وعلى أولادهم فمستهم وأزعجتهم. Et parmi les mukhalafat sharia, les transgressions des droits d'Allah qui ont empêché les musulmans d'atteindre le bonheur dans les maisons. Parce que normalement, la maison est un lieu de bonheur et de tranquillité, de sérénité, d'équilibre. Et qui a conduit des shayatins à s'abattre dans nos maisons et dans la maison de beaucoup de musulmans, au point de faire du mal à ses habitants et aux enfants. C'est plusieurs points. أولا اتخاذ التصاوير في البيوت وتعليقها على الجدران وهذا يمنع دخول الملائكة في هذا البيت والصورة التي تمنع دخول الملائكة هي الصورة لذوات الأرواح. La première chose, première transgression que commettent beaucoup de gens et qu'on doit purifier de nos maisons, c'est de prendre des photos et de les afficher dans nos maisons, sur les murs. Parce que ceci interdit, empêche les anges de rentrer dans nos maisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la photo dont il est fait question ici, c'est la photo qui représente un être vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien, où il y a des représentations, des photos. Et il dit à Aïcha, les auteurs de ces dessins seront châtiés yawm al-qiyama. Et dans notre riwaya, ce seront ceux qui auront le plus grand châtiment. Et on leur dira, faites vivre ce que vous avez dessiné. Et les anges, parce qu'ils me disent, n'entrent pas dans la maison où il y a des chiens, où il y a des images. Première chose à purifier de nos maisons. Deuxième chose à purifier, وجود التماثيل في البيوت وهذا يمنع الملائكة أو دخول الملائكة البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثيل. De même, ce qui on doit purifier de nos maisons, c'est le fait de prendre de mettre dans nos maisons des représentations. Représentation humaine dans nos maisons. Et ceci empêche les anges d'entrer. Le prophète s'est dit, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien et où il y a des représentations. Aussi, parmi les choses à purifier dans nos maisons, ittikhadul kilab fil buyut. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man iqtana kalban illa kalb saydin aw mashiyah, yani huwa mudhakkar al-mawashi. Fa innahu yanqusu min ajrihi kull yawm qiratan. قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. Le prophète sallam dit, celui qui adopte parmi les choses à purifier de nos maisons, c'est d'adopter des chiens. Et malheureusement dans nos maisons et dans la maison de beaucoup de musulmans, il y a des chiens. On jette les enfants, on les met dehors et les gens ils adoptent des chiens. Et le prophète sallam dit, les anges, celui qui adopte un chien, à part le chien de la chasse et le chien pour surveiller le troupeau, eh ben, sa récompense sera diminuée tous les jours de deux montagnes de récompense. Tous les jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il avait un rendez-vous avec Jibril. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu. Et le prophète a dit, Allah et ses messagers ne faillissent jamais à leurs promesses. Donc il a commencé à chercher chez lui. Il a dit, il y a quelque chose. Il a cherché, ils ont trouvé le jarro. Ils ont trouvé Al-Kalb Sarir, un petit chien dans la maison. Ils l'ont sorti. Et à ce moment-là, Jibril est venu. Et Jibril lui a dit, les anges n'entreront pas dans une maison où il y a des chiens. في الحقيقة يعني اقتناء يعني أو اتخاذ الكلاب في البيوت هو يعني من التشبه من الكفار. فيعني قديما كان المسلمون لا يعني يقتنون الكلاب في بيوتهم. Le fait d'adopter des chiens dans nos maisons, dans la maison de beaucoup de musulmans, en réalité ça résulte de vouloir imiter les kuffars. Et tellement les musulmans ils veulent imiter les kuffars qu'ils les ont imités avec leurs petits toutous. Parce que avant les musulmans ne connaissaient pas, il n'y avait pas de chiens. Les chiens ils vivaient dehors. Maintenant le chien, c'est lui le maître et le maître c'est devenu ce que c'est devenu. Rabi'an, yani ce qu'il faut purifier, voilà c'est vrai, des fois tu te lèves pour aller faire la prière le matin, tu vois la personne, elle est rentrée peut-être à minuit du travail. Elle est fatiguée. À 4h du matin, il se balade avec son chien, il fait moins 5 degrés. Et quand il rentre à la maison, il dit à son chien, viens ici mon chien, viens ici mon chien. La hawla wa la quwwata illa billah. Parmi les choses à purifier, aussi dans nos maisons, yani sitru al-judran. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. تقول عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله في غزاء فأخذت نمطا فسطرته على الباب فلما قدم رأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجبذه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علينا أو علي. Aussi, c'est le fait de couvrir les murs des maisons, les tapis, les peintures et tout ce qui s'ensuit. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Aïcha رضي الله عنها rapporte. Elle dit, une fois le prophète est parti en expédition. Et quand le prophète il est revenu, elle avait pris un drap, namat, et elle avait couvert, yani avec ce drap, elle a recouvert le mur. Dans certaines riwayas, yani ils disent que le hadan namat fihi taswir. Il y avait une image. Il y a deux riwayas. Et lorsque le prophète Samil est venu, Aïcha était contente de le voir. Elle lui dit Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète Samil n'a pas répondu. Elle a dit, j'ai su qu'il était en colère, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et alors, le prophète Sam, il a vu le drap, il l'a pris et il l'a déchiré. Et il a dit, le prophète sallam, Allah Azza wa Jal ne nous a pas ordonné de garnir nos maisons, nos murs et nos briques. Et alors, avec ce tissu, ce drap, elle en a fait yani deux oreillers dans lesquels elle a mis de la laine de bois. Et là, le prophète sallam n'a plus rien dit. وروى البيهقي عن علي بن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى أن تستر الجدر. السلام il a dit, il nous a déconseillé de couvrir, يعني de couvrir, recouvrir nos murs. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم الدنيا حتى تجندوا بيوتكم أو تجندوا بيوتكم كما تجند الكعبة فأنتم اليوم خير من يومئذ. السلام dit, Allah il va vous donner, vous ouvrir la dunya au point que vous allez embellir, yani, vous allez décorer vos maisons comme on décore la Kaaba. Et il dit, aujourd'hui, vous êtes mieux que ce jour-là. Et Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dans son livre Adab al-Zafaf, dit et rapporte, il dit, « لِهَذَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَمْتَنِعُ مِنْ دُخُولِ الْبُيُوتِ الْمَسْتُورَةِ جُدْرُهَا. » C'est pour ça que certains salafs détestaient. Certains disent que c'est interdit, d'autres disent que c'est makruh. De rentrer dans une maison où il y avait des murs tapissés ou des murs recouverts, garnis. Et l'histoire, elle est rapportée de Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Il dit, « A'rastu fi ahdi abi. » Je vais traduire directement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et en réalité, il nous reste beaucoup de choses à dire. Il dit, « Je me suis marié à l'époque de mon père, et mon père il a invité des gens, et parmi ces gens il y avait Abi Ayyub radiyallahu anhu. Et lorsque Abu Ayyub est rentré chez moi, il a vu ittala'a fara al-bayta mustatiran bi nijadi akhdar. Il a vu le mur tapissé avec la tapisserie verte. Faqala ya Abdallah atasturuna al-judur. Il lui a dit, oh, Abdallah, vous couvrez vos murs maintenant. Faqala abi wastahya ghalabatna an-nisa. Déjà à fait le waqt hada. Abdallah ibn Omar, il a eu honte quand il lui a dit ça. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux, nos femmes, elles ont pris le dessus. Et il lui a dit, wallah, je pensais pas que toi tu faisais partie des gens. Yani ma kuntu adhunnu annaka mimman taghlibanahu an-nisa. Que les femmes vont les dominer. Et regarde ce qu'il a dit, subhanallah. Thumma qala la at'amu lakum ta'aman wa la adkhulu lakum baytan ثم خرج رحمه الله. Et il n'est pas resté. Il a dit, il n'a pas mangé la nourriture, il n'est pas rentré dans la maison et il est parti. Et il savait qu'il avait raison. Il a dit, qu'Allah lui fasse la miséricorde. Qu'est-ce que tu vas dire, nous, des mariages aujourd'hui, il y a la musique, il y a l'irtilat entre les hommes, il y a les femmes. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha ahwalana wa ahwal al-umma. Aussi, yani, min. ما يجب تطهير البيوت منها الاختلاط داخل البيوت حتى الآن يعني بالأمس كان الاختلاط خارج البيوت فأصبح اليوم الاختلاط داخل البيوت يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول عن النساء فقال الرجل الحم يا رسول الله قال الحم والموت le fait de se mélanger dans les maisons entre les cousins, entre les cousines, entre les beaux-frères, entre les belles-sœurs. Cette mixité-là n'est pas permise. Hein. Le prophète, le dalil, c'est le prophète sallam dit, Ya Rasulullah, le prophète sallam dit, n'entrez pas, yakum wa dukhulu ala nisa, ne restez pas ou n'entrez pas où il y a des femmes, avec des femmes. Alors l'homme, il lui a dit, ara'ayta al-hamu, qu'est-ce que tu penses de l'hamu? L'hamu, c'est tout ce qui est beau-frère, belle-sœur, cousin, cousine. D'accord ? Où il n'y a pas de relation de mahram entre eux. Où tu peux te marier avec cette personne. Le prophète se dit, Al-Hamul Maut. C'est la mort. Pourquoi ? Parce que, Al-Barrani, celui qui est étranger, Al-Ajnabi, tu ne laisses pas rentrer chez toi. Parce que tu fais attention. Alors que, celui qui est ta famille, le cousin, la cousine, tu dis, c'est le cousin, c'est la cousine, c'est pas grave. Mais c'est de là que rentre le fasad. C'est de là que rentre la fitna. C'est pourquoi le prophète se dit, La yakhluwanna. Un homme ne peut pas rester avec une femme que s'il y a un mahram avec eux. ومن ما يجب تطهير البيوت منها تعليق التمائم في البيت أو على باب البيت. والذين يفعلون ذلك يعتقدون بجهلهم أنها تدفع العين والحسد. Aussi, parmi les choses qu'on doit purifier nos maisons, c'est le fait de prendre des allumettes, des gris-gris. Beaucoup de gens, ils veulent chercher des gris-gris. Ils recherchent quoi? Ils pensent, mais ça kine. C'est pour ça, beaucoup de gens, quand ils commettent ça, il ne faut pas lui mettre un coup de massue. Il faut lui expliquer, parce que peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il a grandi dans ça. Il croit que c'est sunnah mu'akkada. Il croit que c'est quelque chose de bien. Il faut lui expliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Inna ruqa wa tamaim wa tiwala shirkun » Ça m'a dit, tu dis, le prophète a dit « Les incantations, les amulettes et tiwala, c'est le fait de faire un petit gris-gris pour que deux personnes s'attirent ou bien pour que deux personnes se détestent. » Le prophète m'a dit « Tout ça, c'est du shirk. » Il faut l'expliquer aux gens. Parce que beaucoup de gens font ça pour repousser ce qu'on appelle l'aïn, le mauvais œil, ou pour repousser l'hasad. Et en faisant ça, il tombe dans l'shirk, dans une forme de shirk, et ceci est haram, c'est interdit. Et aussi, parmi les choses qu'il faut purifier nos maisons, الذبح عند شراء البيت, ou عند استكمال البيت, ou البناء, ou عند عقد السقف. Parmi les choses à purifier dans nos maisons, c'est le fait de égorger. Hein? D'égorger une bête lorsqu'on a fini la construction de la maison. Ou bien lorsqu'on a fini le toit. On a fini, la maison est terminée. On dit on va égorger une bête. Et beaucoup de gens font ça et ils mettent du sang devant la maison. Ou bien ils mettent du sang devant la voiture. Et وبهذا العمل يتشبهون بأهل الجاهلية الذين كانوا يقصدون بهذا الذبح يعني للجن خوفا أن تصيبهم. Et en faisant cela, ces personnes, ils ressemblent aux gens de la jahiliya. C'est des pratiques de la jahiliya qui reviennent à la surface. Parce que les gens de jahiliya, lorsqu'ils arrivaient dans certains endroits, ils égorgeaient et ils faisaient couler le sang pour être préservés des djinns et des shayatins. Et alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en Coran, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit ma vie, ma mort, ma prière, mon sacrifice, tout ça appartient exclusivement à Allah. Je ne lui associe rien dans tout cela. Et on m'a ordonné de faire ça et je suis le premier des soumis. Et le prophète m'a dit, Allah maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, une petite faïda, ma ma'na, al-la'n. Al-la'n, que veut dire la'n? L'âme, quand c'est Allah et maudit quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne sera privée et sera éloignée de la rahma d'Allah. Et c'est quoi le l'âme de quand une personne maudit une autre personne? C'est ad-du'a alayh, c'est de faire des du'a contre cette personne. Il y a des histoires, des hadiths à ce niveau-là, mais on n'a pas le temps de les détailler. يعني ومما يجب تطهير القلوب البيوت يعني ترك الصلاة في البيوت مما جعلها كالمقابر. C'est le fait de délaisser la prière dans les maisons au point que ces maisons sont devenues comme المقبرة ou bien الجبانة. الجبانة c'est en fait de l'arabie الفصحى ou bien les cimetières. Et ici on parle pas لا نتكلم عن الصلاة المكتوبة إنما نتكلم عن الصلاة يعني النوافل والرواتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Ô vous les gens, faites vos prières dans vos maisons, car la meilleure des prières c'est la prière faite à la maison, sauf les prières obligatoires, dans le sens on doit les faire يعني à la mosquée. ومما يجب تطهير البيوت منها هجر القرآن الكريم عامة وسورة البقرة خاصة. Parmi les choses يعني qu'on doit purifier nos maisons de ça, c'est le fait d'avoir délaissé le Coran. Malheureusement, tu rentres dans la maison des musulmans aujourd'hui, t'entends la musique et t'entends pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en particulier sourate al-Baqarah. Parce que il a été rapporté dans le hadith, le prophète a dit: "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt allati aw alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqara." Le prophète sallam dit: "Ne rendez pas vos maisons comme des tombes et le shaytan s'enfuit de la maison dans laquelle on lit surat al-Baqara." رابعا الحق الرابع والأخير من حقوق البيوت. Le dernier point et le quatrième point qu'on va citer concernant les droits des maisons, يعني أن نتأدب معها بالآداب الإسلامية الخاصة. بالآداب الإسلامية الخاصة بها كالاستئذان وغيره. Un des droits des maisons et des foyers, c'est de se comporter, de respecter les droits qu'on a cités précédemment. Et la maison, elle a un adab. Il y a des adabs que le prophète sallam a expliqué dans la sunna. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu dans le Coran al-Karim. Et parmi ces adabs, parmi ces comportements, parmi ces comportements à avoir, c'est al-isti'dhan. C'est le fait de demander la permission. Tu ne rentres pas dans une maison comme quand tu rentrerais dans un café. Et même dans un café, tu ne rentres pas comme ça. Et tu n'as pas à rentrer, aslan. S'il y a du monde car. Ibad Allah. Amaran Allah subhanahu wa ta'ala bil isti'dhan idha dakhalna buyutan ghayra buyutina. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أو تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Ce verset s'appelle Ayatul Isti'dhan. Le verset de demander la permission. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran, lorsqu'on entre dans une maison, de demander la permission. Allah dit, ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres sans au préalablement tu fais part que tu arrives et aussi sans demander l'autorisation et sans faire le salam, sans saluer ses habitants. Et ensuite dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit s'il n'y a personne dans ces maisons, n'entre pas jusqu'à ce qu'on vous l'ordonne, on vous l'autorise. Et si on vous dit retournez, tu retournes. Si on te dit pars, tu dis pas pourquoi il m'a dit de partir lui. C'est sa maison. C'est peut-être pas un moment où tu dois aller chez lui. Retourne. Et Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois dans le verset il dit ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ. C'est meilleur, c'est pur pour vous. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. Allah عز وجل il dit quand vous rentrez dans une maison, rentrez par la porte. Quand on rentre dans une maison, on rentre pas par la cheminée. Ou bien on ne creuse pas un trou et on rentre à l'intérieur. On rentre, on frappe, assalamu alaikum, et on demande l'autorisation de rentrer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاه ففققت عينه ما كان عليك جناح. ويقول من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل أي صار في حكم الداخل. سبحان الله. Prophète Hassan dans plusieurs hadiths pour montrer l'obligation de demander l'autorisation. Il dit si un homme observe dans une maison et que tu prends une pierre, tu la jettes dans son œil et tu lui crèves l'œil, eh ben il n'y aura aucun mal pour toi. Il peut aller se plaindre comme il veut. Et le prophète Samy dit, si une personne observe dans une maison et tu lui crèves l'œil, il n'y aura pas de diya. Il n'y aura pas le prix du sang ou bien la réparation. Et le prochain midi, il n'est pas permis à un musulman de regarder à l'intérieur de la maison. Je ne sais plus comment on appelle ça. Hein? D'espionner les maisons. Tu sais, tu prends des jumelles la nuit, tu regardes dans les maisons, voilà, il y a du villa. Tu vois? Subhanallah, avec une barbe et un qamis, tu regardes comme ça. Ou bien une sœur avec un jilba, il y a la hawla wa la quwata illa billah. Hein? Et bien le prochain midi, celui qui fait ça, Il a dit au fibayt hatta yasta'din, sans demander l'autorisation. Et s'il le fait, c'est comme si qu'il est rentré. Si tu fais ça, c'est comme si tu étais rentré dans la maison et les gens ils sont dans leur maison. Wa ya'idu billah. Wa an Sahl ibn Sa'd anna rajulan ittala'a min hujur, yani min thuqub, fi bab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas trouvé autre personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme, il est venu il a regardé dans un trou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma wa ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam madra, ay hadidatun yahukku biha ra'sahu. Et le prophète il avait comme un peigne en fer avec lequel il se coiffait ou il se grattait la tête. Faqala falamma ra'ahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète il a vu cet homme faire ça, il a dit law a'lamu annaka tanzuru fi la ta'antu bihi fi aynik. Dis wallah, si je t'avais vu faire ça, je t'aurais crevé ton œil. C'est pour ça que le prophète Samy dit innama ju'ila al-idhnu min ajli al-basar. Samy dit le idhn, la demande d'autorisation, elle a été faite pour préserver ce que tu vas voir. Parce que quand tu rentres dans une maison, si tu n'as pas prévenu, on t'a pas autorisé, dans quelle situation vont être les gens? Surtout avant. Les maisons n'avaient pas des portes, n'avaient pas des clés. Donc, mais ça reste valable encore aujourd'hui. فهذه النصوص الصحيحة الصريحة تدل على حرمة إطلاق البصر في البيوت والدخول إليها من غير استئذان فليتق الله أناس يفعلون هذا الفعل. Donc il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala d'espionner les gens. Parce que c'est clair, ces textes sont clairs, sont authentiques sur l'interdiction de faire ça. وسأل رجل ابن عباس فقال أستأذن على أختي. Un homme est venu voir Abdullah ibn Abbas. Il lui dit, est-ce que je demande la permission même à ma sœur, à ma sœur? قال نعم. Il a dit, bien sûr. فقال رجل فأعددت. يعني l'homme il a reposé sa question à ibn Abbas. Il lui a dit, نعم أتحب أن ترى هما عريان عريانتين. Et l'homme, Abdullah ibn Abbas, a dit, bien sûr que tu dois demander l'autorisation. Est-ce que tu aimerais voir tes deux sœurs dans leur pièce alors qu'elles sont nues? Voilà le genre de situation quand tu ne demandes pas l'autorisation. ثم قرأ علي آيات الاستئذان ثم قال له ابن عباس فالإذن واجب على الناس كلهم. Et ensuite, il lui a récité le verset de l'istidhan. Et Abdullah ibn Abbas lui a dit, l'autorisation, demander l'autorisation est obligatoire pour tout le monde. وسأل رجل حذيفة فقال أستأذن على أمي فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. Un homme est venu voir حذيفة ibn Yaman. Il lui a dit, est-ce que je dois demander l'autorisation pour ma mère? C'est ma mère. Il lui a dit, bien sûr. Il a dit, parce que si tu ne demandes pas l'autorisation, tu risques de la voir dans un état que tu détestes. فَاللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقَّ وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. Et finalement, mes frères, en conclusion, on doit respecter ses droits et ses devoirs. Les devoirs de la maison, yani nos obligations envers elle. Et je vais terminer avec ce hadith. Parce que chacun est responsable. Le prophète s'est mis dans le hadith de Muttafaqun Ali, rawahu al-Bukhari wa Muslim, an ibn Umar radiallahu anhuma, qala rasul sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in, wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Fal-imam ra'in, wa mas'oulun an ra'iyatihi. Wal-rajul ra'in fi ahlihi, wa mas'oulun an ra'iyatihi. Wal-mar'atu ra'iyah, wa mas'fi baytiha, wa mas'oulatun fi ra'iyatiha. والخادم راع في مال سيده ومسؤول في رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وتسمي ce hadith, et je vous demande de méditer ce hadith et de rechercher son explication. Wassami dit dans le hadith, il dit, vous êtes tous responsables, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. L'imam, le gouverneur, il est responsable. Il est berger et il est responsable de tout la population. Et l'homme est berger de sa famille et il est responsable de sa famille. La femme est bergère dans sa maison et elle est responsable de sa maison et de ses enfants. Et le khadim, le servant, s'occupe des biens de son maître et il est responsable de ses biens. Et regardez le hadith, il a commencé par kullukum mas'oulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers, vous êtes tous responsables. Et il finit en disant, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. J'espère, inshallah, qu'on va mettre en application yani hadhihi al-huquq allati fi al-haqiqa buyutuna yani fi hajatin ilayha. En réalité, mettre ses devoirs, c'est une obligation. Là, nos maisons, elle demande secours pour qu'on mette en application et qu'on lui donne ses droits. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.